L'écho. Voyons, l'écho qui est... Oh, OK. Hey, ça, là, je le mentionne continuellement à mes acolytes. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un acolyte. J'ai pas dit un alcoolique, j'ai dit un acolyte, acolyte, lit, non, rien, non, endors-toi pas, toi, là. Celui qui doit m'épauler dans ma démarche artistique, acolyte. Dans mon dictionnaire à moi, dans ma vision de l'interprétation de ce mot. Et bien sûr que si tu regardes dans le dictionnaire, mon Raymond, mon petit Raymond, bon, ce ne sera pas vraiment ce que je viens de te dire, mais dans l'élaboration de ma conviction, hein, conviction, interprétation, de ma vision, tu comprendras que j'ai raison. Enfin, ma raison. Ma raison, ce n'est pas la raison. Quoique je commence à la perdre. Tranquillement, lentement. Encore 2 heures. Après ça, ça va dire... Ça, là, c'est le gars qui a tout donné. Tout donné à son public. Comment ça va, vous? Bon. Belle semaine. Avez-vous trouvé votre... Bon. votre chemin? Là, il y a des vrais fanatiques de l'émission, là, qui, pendant toute leur semaine, ils veulent vivre les rances, les Rénaldiennes. Alors, ils marchent partout, sans savoir où ils vont. Ils doivent aller travailler, ce monde-là, là, gagner leur vie, pour éventuellement donner un petit peu dans la carte de membre de CKRL à 25 $. S'ils travaillent pas, le rouage économique, c'est ça. Faut en faire partie. Pour contribuer aux autres qui ne peuvent pas le faire pour plusieurs raisons que je ne peux pas ici élaborer puisque mon micro n'est pas assez profond pour comprendre toute la version complexe de notre société contemporaine. Pas reine. Hey, écoutez, mieux que ça. Excusez-moi, je suis très à l'écoute. Et vous aussi, vous avez l'oreille bien tendue. Faites attention, ça peut tomber. Dilatez pas trop. J'ai pas dilaté pas trop. Laté. Comme le café laté, mais dilaté. Faire ouvrir par beaucoup d'intention. Hein? Tu vas t'ouvrir, ça déchire. L'hôpital, là, vous êtes obligé d'expliquer ce qui s'est passé. Oh, la gêne. Moi, ça m'arrive souvent, mais là, j'ai ma carte de membre, pas juste de CKRL, de l'hôpital. L'hôtel Dieu, c'est moi, celle-là, qui comble. Je mets plus une place à l'urgence. Moi, là, ils m'ont mis en 2 draps. C'est bien indiqué. CKRL, ça, c'est bien, mais bon. Rénal Gagné, errance rénadienne, vendredi. C'est là que ça dilate le plus. Moi, là, je suis rendu à 9, puis à 10, ben là, j'ai déjà accouché. Combien d'émissions j'ai accouché, m'appelle? J'ai des infirmières privées, hein? Oh, c'est... privé. Je me prive pour avoir des privés. Combien de personnes osent le faire, puis peuvent le faire? Comment c'est... Non. Arrêtez-vous là. C'est quand même un choix. Moi, au lieu d'aller me faire dorer au soleil là, à Cuba là, pour revenir avec un beau cancer au 8e degré, là, se crémer jusqu'à la fin de ses jours, à la fin. J'ai mal à mon cœur oxygéné, brûlé. Ça sent le trop cuit, le prix cuit. Qui cuira le premier? Hein, comment? qui cuira le premier? Ça n'a pas de bon sens. Hein? La phrase n'est pas... Non, mais je voulais ouvrir cette émission avec un atelier, un nouvel atelier. Je voulais le rédiger à la machine papécrire, mais le papé était trop occupé à rédiger son texte du dimanche, parce que moi et le pape avons la même dactylo, la papale. Ça va bien, papale? Bon. Et puis là, parce que c'est pas lui qui écrit, là. Non, ses doigts sont bénis, lui, là. Il peut pas taponner n'importe quoi, lui. Là, c'est pas n'importe quel craté, c'est le pape. Le pape, c'est un homme, un surhomme. On peut le toucher, puis là, tu dis, je viens de toucher à Dieu. C'est ça mon rêve, moi, là. Si quelqu'un est proche du pape, est-ce que je peux, je sais même pas son nom, c'est quoi, c'est pape Jean-Paul II? Non? Jean-Paul, je sais pas, Jean-Paul Riopel. Connaisseur, moi, je connais tout ce qui est Jean-Paul Bello. Jean-Paul. Pff, j'en connais pas beaucoup de Jean-Paul. Deux. Je lui ai dit, un, il est mort, lui, là juste à savoir qu'il était le premier. Là, les autres sont pas fous là-bas, là. Mais bon, il y a de la boucane. Ils se sont dit, en réunion papale, sans le pape. C'est bien ça, des réunions papales sans pape. C'est comme des réunions de famille sans parents. On peut clarifier des affaires. Ben oui, maman, ben c'est ça. Hein. Vraiment très, très, très fatiguée depuis 3 semaines. Hein. Elle change des couches. Hein, puis elle nettoie. Puis c'est pas sa mission. Hein. Et sa chanson préférée, c'est celle de Sylvain Lelièvre. Maman est là. Oh, ça va pas bien. Ouais, papa, tu écoutes papa est parti. Pas bien loin, parti à la taverne. Boire sa paye, boire ses ennuis, boire sa femme qui travaille tout le temps. Oh, elle travaille pas, elle, pour rémunérer le logis, elle, là. Elle travaille pour apporter du sourire à la famille, des ricanements d'enfants, des « oui, maman, j'en veux encore », des « oh, viens jouer avec moi, maman. Maman, ma robe rouge, elle est où? » Ça, c'est moi qui disais ça quand j'avais 2-3 ans, ma robe, parce que je me faisais habiller en robe. Je me préparais à devenir papale. Mais là, c'est pas le temps, là. On va faire, excusez-moi, c'était un moment mélancolique. Même ramolli sur le torchon. Moi, j'aime bien me ramollir sur le torchon. Humide, comme une pâte. Ça empêche de coller. Alors, les 3 minutes en vrac, peut-être que ça va déborder. Souvent, ça déborde. Mais enfin, souvent, c'est la première fois que je le fais. Mais je m'attends au pire. Puis le pire arrive tout le temps. Bon. Alors, je voulais l'écrire, comme je disais, à la machine. Mais papa avait trop de choses à faire. Donc, je vais vous le lire, mais avec mon écriture qui, moi-même, je ne peux pas me relire souvent. Pour ce nouvel atelier, ça se commence bien, je vous expose la nomade. Non, mais les gens vont dire, il ne faut pas ça pendant 2 heures, nous autres, là, on va changer de station. Tu sais, les 80 quoi, là, non, on reste là-dessus, on va attendre. Non, vous allez voir, j'ai la façon de lire comme à l'Acteur Studio. Ou les nouvellistes de Radio-Canada, ou de France Pimpère, ou de Radio-Suisse Momande, ou Radio-Belgique. Pour ce nouvel atelier, je vous expose la nomenclature de mes événements de la semaine, autant dans le circuit créatif-narratif que les expériences existentielles vécues entre le samedi de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, vendredi. La démarche peut autant virer au vinaigre que de s'exulter dans le firmament infini de l'absurdité. Alors, épluchons ensemble le chaos hebdomadaire d'un errant rénaldien. Et j'ai mon petit cahier, mais avant même de m'attarder au petit cahier, je dois vous raconter un accident que j'ai évité, mais de pas grand-chose. Aujourd'hui, avant de faire mon émission, je sors pour aller luncher. Pas frencher, luncher. Mais en fait, je french mon hamburger. Le ketchup. J'aime ça le ketchup. En tout cas, bref. Je vais dans un petit snack bar. Comme le chantait Julien Clerc, écrit par Luc Plamondon. Allez, voulez, allez danser le rock and roll, allez, voulez danser. Mais moi, c'est pas ça. Prends mon scooter, encore l'histoire. Je sais, c'est une histoire de scooter. Je vais crever en scooter, là. Vous allez me pleurer. Vous allez, oh, il avait raison, c'est prémoninoir, mais c'est du noir. Ah, oh, des œillets, du noir. Une couronne, ah, oh, deux couronnes, trois couronnes. Ça va faire mal avec le plombage. Non, pas des couronnes dans la terre, des couronnes sous la terre. Mais je me prépare à descendre. J'ai une côte, moi. À chaque fois que je dois prendre la route principale, j'ai une pente abrupte. Je commence à la descendre. Je me rends compte que mon casque n'est pas attaché. Et je vois en arrière de moi par le miroir qu'il y a une écolinde blanche qui me suit. Et à droite, il y a une série de voitures stationnées. Alors, je me dis, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas ralentir. Je dois continuer en tenant mon casque lorsque je sens qu'il lève. Et à un moment donné, il y a une bouffée d'air qui fait lever plus rapidement mon casque. Donc, je mets ma main très, très, très instantanément sur celui-là, sur celui-ci, sur ce casque. En faisant ça, mon bras droit qui tenait le guidon tourne à peine, j'entre sur un terrain, j'empiète sur l'autre et là, j'essaie de freiner et ça n'arrête pas. J'accroche une pierre qui définit un stationnement pour deux voitures et j'accroche la deuxième brique qui pèse 50 livres, donc 25 kilos, pour m'arrêter subitement. Je mets la béquille sur mon scooter électrique, je débarque, je place la brique, choqué, mais quand même voulant rapidement reprendre le guidon. Je place le tout, je regarde si tout est correct, comme il l'était sans doute avant que cet accident arrive, et je reprends la route. Arrivé sur place pour manger mon hamburger, poutine et liqueur, boisson gazeuse. C'est pas la sorte que je prends normalement, ça là. Mais en tout cas, je me plie. Je me plie parce que je veux passer un bel été dans ce snack bar régulièrement. Alors donc, parce que je veux m'en mettre plein la panse pour que pendant 4-5 mois là, d'hiver, je me dise « Hey, je vais manger là souvent, hein? Hey, je vais manger là souvent, hein? » Ça, c'est les roues. Hey, pour me rappeler, là, la mémoire olfactive, la mémoire dégustative, la mémoire affective avec mon hamburger, mon Frenchie. Oh. Ma belle poutine, j'aime ta sauce. Ah oh, oui, ton fromage, ton beau fromage qui fond. Oh. La jeune fille, en plus, là, je commande mon truc. Oublie de me faire ma poutine. Hey, je ne mange jamais de poutine. Là. Je pense que dans ma vie, okay, j'ai 28 ans, 29 ans, j'ai mangé 8 fois de la poutine. Mais là, depuis cet été, là, j'ai vécu 20 vies. 20 vies. Deux crises de fouet. Oh, j'ai dit, je vous salue la poutine, pleine de graisse. Oh, que la sauce soit avec moi. Que le fromage fond dans ma bouche, comme il devrait fondre jusqu'à la fin de mes jours. Amène-en avec de la patate, de la grosse patate juteuse. Là, hein. Seul cul du goulune lorsque tu mords dedans. Là. Bonsoir. Alors, donc, je commence ma nomenclature. Parce que là, j'ai pas encore débuté. Là. C'était juste une anecdote savoureuse. Une cliente arrive dans mon établissement là, du quartier UP et me dit « Vous n'avez pas une banane qui traîne à quelque part? » Elle m'a dit ça, là, sans blague. Là, moi, je voyais ça au deuxième sens, pas au premier. Puis... Lorsqu'elle me l'a balancé, voyant mon interrogation sur mon visage, elle a eu un rictus. Également, j'ai enchaîné avec le même petit rire sur le bout des lèvres en disant « Non, mais j'ai des pommes. Parce que là, j'étais habillé en clown. Je pouvais pas faire mon numéro, là. J'étais pas Reynald. J'étais Monsieur Reynald. Donc, je me suis contenté de lui dire ça. Puis le lendemain, bien, j'ai dit, « Puis avez-vous trouvé vos bananes? » Elle a dit, « Oui, mais elles n'étaient pas à mon goût. » Donc, je l'ai acheté à un endroit et on me l'a remplacé à un autre endroit. Je dis, « C'est merveilleux. Vous avez un charme fou. » Elle est partie. Rouge aux joues. Et je n'ai jamais revu. « If I can dream. » Ça, il faudrait que je la fasse jouer parce que c'est la chanson préférée du boulanger. « If I can dream » de Elvis Presley. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Peut-être que c'est « I can dream. I live my dream. » Ah, j'ai essayé de la trouver pendant mon émission là, à l'heure où on se parle. « Impôt. » Pourquoi enfin « l'impôt » J'ai François Lockwood, Louisville. Ah oui, ça, c'est des gens que j'ai... Okay. Les véritables déchirures rugissent inévitablement. L'inflammation semble apaisée. La zone paraît capable de supporter d'autres aventures jusqu'au moment où le passé revient pour relancer le volcan toujours prêt à éjaculer sur ce qui se proposait invitant et respectueux. Ça, c'est des horaires que je me suis préparé. Ça, c'est un dessin que je ne peux pas vous montrer. C'est de la radio. Cela est juste et bon de vous recevoir parmi les cartes de membres à 25 $ qui contribuent, mes fidèles auditeurs et auditrices, à soutenir une radio rayonnante aux quatre coins de la somptueuse ville de Québec. Pa-pa-pam! C'est gentil, hein? À Limoilou, la clientèle se présente devant le commis à vif. Ça, c'est les gens qui sont à vif. Sans épluchure. Dans le Vieux-Québec, certains, une minorité heureusement, se la jouent avec des couches, mais des couches de prétention. Excusez-moi, monsieur, petit minable. Je vais vous prendre des cigarettes gauloises. Bleu. Et j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous paierez. Oui, je paierai. Et vous, mon cher monsieur, commis, chose, larve, je vous ferai perdre votre emploi. Vous n'êtes qu'un mimi, un mimi, un mimi, un mimi nana, un mimi nana, un mini Reynald. Jeudi à 2 h du matin, une vieille dame cherchait une revue qui offre du linge pour Barbie. À 2 h le matin, une vieille dame, du linge pour Barbie. Le monde est malade partout dans la ville de Québec. Hein? Avant, mon oncle Lily se promenait avec une bagnole 6 cylindres qui ne coûtait 3 fois rien d'essence. Aujourd'hui, Rita Bibelot roule avec un 3 ou peut-être même un 4 cylindres. Même elle ne sait même pas. Puis sa voiturette démarre de peur. Écoute la peau des fesses en carburant. C'est un autre dessin que je ne peux pas vous expliquer à la radio. Un vin. Ah oui, le vin de la semaine. On vous présente, madame, mademoiselle, messieurs, le vin de la semaine. Le plaisantin, c'est un vin brun. En flux de chêne, idéal pour les hautes gastronomies. Son prix crème la concurrence à boire seul dans les Bécosses. Le plaisantin. Bonsoir, chère dame. Je suis pas si cher que ça. On pourrait même dire accessible. Alors, si on peut, on le dit. Vas-y. C'est un début de texte. Là. Michel Tremblay a commencé le même. Là. Quand je pense à des pentes... Ah oui. Attendez, monsieur, on peut faire les pop-pom. On a le pop-pom. OK, on y va. Ouais, mais là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on va mettre les paroles. Allez voir. Quand je pense à des pentes, je bande, je bande. Quand je pense à Virginie, je bande aussi. On recommence, on met le son plus fort. Quand je pense à tes pentes, je bande, que je pense... Non, monsieur! Merci, on recommence. Quand je pense à tes pentes, je bande, quand je pense à Virginie, je bande aussi. Pour tous les barreaux de chaises qui se branlent, pour tous les verres vides qui se disent jamais pleins, pour tous les indépendantistes qui s'endorment sous de fausses promesses, pour tous les adorateurs de scènes noires qui les roulent et ramassent la mousse, pour toutes les pucelles qui cherchent leur prince décharmant, pour toutes les chanteuses de charme qui braillent l'amour stéréotypé, pour tous les cœurs cassés qui ne lâchent jamais le morceau, pour tous les pour tous les drag queens de Limoilou qui se cassent le talon devant les colons bourrés de préjugés, pour toutes les comédiennes qui gardent espoir de remonter leur mésange, quoi? Leur mésange. Pour toutes les comédiennes qui gardent espoir de... OK, oui. Pour toutes les comédiennes qui gardent espoir pour rencontrer leurs mécènes, pour tous ceux-là, nous les éclairons en ajoutant « Trompette et clairon, restons vigilants, restons vivants, restons observateurs de toute cette faune, prônons la différence et le changement lorsque la stagnation semble rouiller les pensées. » Ça se termine. Nos 3 minutes ont débordé à 25 minutes. Honnête comme le pain. Alors, comment on peut dire cette expression « honnête comme le pain » ? Très facile. Tu places un 100$ sur la table, OK? Tu places un 100$ sur la table. Tu déposes le bon pain. 3 jours plus tard, tu lèves le bon pain et le 100$ est encore là. Honnête comme le bon pain. Ça ne fonctionne pas avec le mauvais pain. Quand je pense à des pentes, je bande, quand je pense à Virginie, je bande aussi. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 8 août, 8 août, mais de l'écho. Il est de nôtre. Nous sommes vendredi 8 août comme les autres. Pas les autres, voyons non, c'est la seule journée en 2014, le 8 août. Il n'y en a pas d'autres comme ça, mais on vit tous ensemble maintenant le 8 août. OK? On se rassemble là, devant notre radio à 3. On réfléchit très, très fort au 8 août, OK? On s'imagine le 8 août. On se visualise le 8 août. À 3. 1, 2, 3. 8 août! Ah oui, ça ressemble à ça, vous, le 8 août? Ouais. Ouais. OK, non, non, on prend les adresses, toi, là. On a les GPS, prends les adresses. On va appeler la centrale. Appelle la centrale. Constable? Est-ce qu'on vous réveille? Allô? Est-ce qu'on vous réveille, constable? Pardon? Non? OK. Digérez-vous votre poutine? OK. Hey, écoutez, on a fait... on a tenté de demander à nos auditeurs là, de visualiser le 8 août. Bon. Vous écoutez CKRL? Bon. J'ai 18 noms qui sont sortis, là, avec des adresses, des numéros de téléphone. On aimerait ça que vous envoyiez premièrement des policiers armés, l'équipe SWAT, le FBI et aussi Canal D. Oui, parce que ça va faire des documentaires. Il y a madame, on va vous les dire comme ça, là, on va couper les ondes quand les noms vont demander. Madame Thibodeau. Elle reste au deuxième étage. 47-8, 98, ouais, ah ouais. Est. Deuxième étage. Elle, là, quand j'ai dit 8 août, là, OK, je voyais ces poissons rouges pendus, madame, monsieur, ça n'a pas de bon sens, hein? Est-ce que ça, la SPO pourrait s'en occuper? Ah, des poissons, non, mais il ne faut pas aimer les animaux, hein, poissons, des poissons, pas juste un, moi, j'en ai vu 8, là. Excusez-moi, parce que moi, je suis un médium, hein. Ben, moi, depuis que je mange de la poutine, c'est pas mal extra large, mais je suis à l'origine, je suis un médium. Quand j'ai vu tous ces poissons rouges, avec les yeux rouges, hein, ils faisaient pam, pam, pam, pam, ils voulaient péter. Voyons, non, péter dans le sens qu'ils explosaient, pas péter par le. Non, ben, dans l'ensemble de leur corps, pas juste dans le trou de pète, là. Partout, partout, ils voulaient pouf, péter. C'est inadmissible. Les poissons rouges, c'est ce qu'ils lui ont fait. C'est une malade. Sans doute qu'elle veut mettre ça dans les sandwichs. Manger ces poissons rouges dans les sandwichs. C'est une horreur. Aujourd'hui, le vendredi 8 août, les errances canadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sous la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse, auteure, compositrice Elsa Koff. Auteur, compositrice et interprète, lauréate du prix de la Noé avec sa chanson « Mais et moi ». Elsa Koff enchaîne les concerts. Elle a chanté en première partie de Yannick Noah. Yannick Noah. C'est Yannick Noah. Mon commentaire. Est-ce qu'à l'émission Errance canadienne, nous avons déjà fait jouer du Yannick Noah? On n'est pas rendu aussi bas. Alors, mais ça, c'est bien, là. Yusunundur, le chanteur, là, extraordinaire, qui est impliqué dans les causes humanistes, qui a chanté avec Peter Gabriel et Peter Gabriel, puis l'autre, là. Comment? Peter Gabriel, merci. La grande Sophie, oh, sublime grande Sophie, que je veux rencontrer, mais elle ne veut pas me rencontrer. Alex Lutz et Jérôme Daran. Nicolas Canterlou. Ouais, ça, c'est un humoriste. Ça, là, ouais. C'est un humoriste, mais qui se concentre sur les politiciens. Nicolas Canterlou. 35 dates à l'Olympia et tournée avec Danny Briand, le chanteur, là, le Frank Sinatra français. Là. Oui, mais c'est du français. Et puis en 2010, elle chante dans le documentaire de Boris Bergman en hommage à Alain Bachung. Elle compose pour la publicité et sa chanson de Ship. Pas de Ship Barbecue, non, c'est de Ship le voyage. Apparaît dans le nouveau ou le bateau. ça doit être le bateau. Mon anglais is very good. Apparaît dans le nouveau one-man show de Pierre Palmade. La composition d'Elsa Goff, sa voix élégante et sensuelle, sa personnalité solaire propose de cheminer avec ardeur entre folk et jazz. En juillet 2014, Errance canadienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste extraordinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Alors maintenant, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la ZZ. Comment faire, comment lui dire, comment lui faire voir ma planète artificielle? Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel? Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde complice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Je vis dans un monde virtuel. Allez, explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Votre imagination. Votre imagination. Imagination. Imagination. Prends l'avion, tu perds une journée. Oui, ben oui. Oui, oui. Et avec le décalage horaire, donc je suis arrivé ici le vendredi à 7h du matin. Il y a eu un problème aux douanes, pas pour moi, mais parce qu'il y avait juste deux policiers qui étaient aux douanes. Donc on a attendu 2h30. Normalement, ça prend 5 minutes. Hein? 5-10 minutes, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être des moyens de pression, je ne sais pas. Mais tout le monde attendait pour nous faire fermer la gueule. On nous a donné de l'eau en bouteille. Mais bon. C'est ça. Je suis arrivé ici, il était sur la rue des Abbesses, parce que moi j'habite à côté, l'auberge de jeunesse qui est juste ici. Ah d'accord! Là, quand tu regardes, tu t'étires le cou, là, tu vas voir la mansion. Là, Ah d'accord! Ben, oui. D'accord. Et donc, moi, j'habite là depuis que je viens ici, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans. D'accord. Tu viens tous les ans? À chaque année, dernier vendredi du mois de juin, et je m'en vais le premier samedi du mois de juillet. Ah, d'accord, à chaque fois. Mais là, oui, effectivement, mais l'intérêt vient du fait... Merci. L'intérêt vient du fait que à chaque fois que je passe ici... Les artistes s'en parlent entre eux. Donc, j'ai beaucoup de retours. Ah! Et là, l'année prochaine, est-ce que je peux te rencontrer? Mais oui, parce que c'est drôle, parce que on a un ami commun qui était avec Marie-Claire Buzy. Oui, exactement. Marie-Claire que j'ai rencontrée dimanche. Oui, oui, oui. Oh, oui. Et de fil en aiguille, moi, je vois les amis Facebook, des amis que j'adore. Et là, je fais mes recherches. Et par la suite, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va envoyer... Moi, j'envoie toujours des bouteilles à la mer. Je ne sais jamais où ça va aller. C'est comme le fait que tu frappes à une porte, on ouvre pas. Hein? C'est la liberté de chacun. Et ben après ça, c'est comme ça que se tissent les liens et qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Ben oui. J'ai pas là. Très, très heureux de t'avoir ici, ça. Ben écoute, avec plaisir, moi aussi. Donc, tu es né à quel endroit? Moi, je suis de Strasbourg. Ah, c'est beau, Strasbourg. Oui, je suis allé en 89. Ah. 89-93. Ah, ben j'y étais. Ah oui, ah bon, OK. Okay. Oui, oui, j'ai grandi là-bas. OK. Et donc, je suis venue à Paris après mon bac, voilà. Après mon bac, et puis ensuite, j'ai un peu voyagé de par le monde et je suis revenue pour la musique. De par le monde, où? J'étais en Argentine, en Espagne, voilà, j'ai habité un peu, voilà. Ah, tu as appris les langues là-bas, ou... Non, j'ai appris en Espagne. En fait, j'ai toujours... Ma mère est avec un Argentin depuis très longtemps, donc j'ai grandi avec plusieurs langues, voilà. Ce qui te fait voyager, est-ce que c'est les amours ou si c'est le côté artistique? Ah non, il faut avoir des envies, de suivre des gens ou je pars pas comme ça le nez toute seule. Ou de s'enrichir. Ça, je n'aime pas. Ah oui, oui, oui. Oui, mais en fait, non, j'aime bien aller avec des gens. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de voyager? C'est de connaître d'autres cultures, oui, d'autres façons de voir la vie? Oui, oui, oui. Oui, c'est très... Est-ce que ça te surprend? Oui, c'est très. C'est très exotique. J'adore connaître des autres endroits. Et voilà. Est-ce que ça te surprend toujours de voir que les gens vivent autrement que d'autres? En fait, non, ça me surprend plutôt de voir à quel point on est pareil. Que la... Au bout du compte? Oui, c'est vrai, on est tous pareils. Ok, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, quand j'étais en Argentine, j'étais très étonnée parce qu'il y avait des gens qui nous disaient « Mais alors, en France, vous avez ça, et est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça ?» Et ils se faisaient des idées comme ça, comme moi, je me faisais sur l'Argentine, en fait. Et c'est pareil, à l'autre bout du monde. Et... Le cursus éducationnel que tu as eu, c'est assez particulier? Disons, non, c'est enfin, oui, c'est privilégié parce que j'ai grandi... comme mon père était allemand et ma mère française et qu'on habitait à Strasbourg, j'allais à l'école primaire, enfin au jardin d'enfants, j'allais en Allemagne et en France. Donc j'avais les deux jardins d'enfants et j'ai passé aussi une partie de ma scolarité en Allemagne. Donc c'était pratique parce que c'était à côté. On habitait à 15 minutes de la frontière, donc mon père faisait le voyage tous les matins, donc voilà, il nous emmenait à l'école en Allemagne, donc voilà, j'ai la double culture en fait. Déjà là, c'est un peu singulier, là. C'est pas tout à fait la vie d'un étudiant français moyen. Non, c'est la vie d'un Strasbourgeois. Oui, Strasbourgeois, exactement. Mais par la suite, qu'est-ce que tu as voulu te démarquer, tu as voulu changer un peu... Oui, disons que j'étais partie dans un cursus très simple, enfin très simple, très... classique. Pour faire plaisir, voilà, mm-hmm. qui était de faire l'université et de langue, parce que j'étais douée en langue, donc j'ai pris la facilité hein, avec cette université bac d'anglais. Mais il faut déjà avoir un plaisir de l'écrit, le plaisir de lire, le plaisir oui, de... Oui, oui, bien sûr. Ah oui, ça, je l'ai... Le plaisir des mots, surtout. Oui, bien sûr, ah oui, oui. Ah ben ça, je l'ai, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y. Mais non, oui, donc voilà, enfin en tout cas, voilà, j'ai commencé l'université, puis je voulais faire de la musique, vraiment. Mais oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui t'a amené aux mots? Est-ce que c'est tes parents qui à la maison écrivaient ou on dit chez nous, te chicanaient pour que tu puisses, que tu prennes un livre, Non, disons que oui, non, mes parents sont... Ma mère écrit des chansons, donc c'est son métier. Donc, de toute façon, à la base, oui, elle est parolière. Donc, à la base, de toute façon... Pour qui? Pour des chanteurs Oui, pour des chanteurs et des chanteuses, oui. Connus? Oui. Elle a écrit beaucoup de chansons. Oui. Elle a écrit dans les années 80, mais justement, elle a écrit une chanson qui s'appelle « Femme libérée ». Ah oui. Okay. Donc, tu vois, j'ai grandi dans un univers très musical. OK. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres titres peut-être un peu moins connus de ta mère Elle a écrit pour beaucoup de gens, Zazie, Maxime Le Forestier, Calogero, voilà. Mais un beau palmarès d'artistes, ouais. Mais c'est pas se tirer dans le pied, je veux pas, parce que t'es pas ta mère, mais c'est pas se tirer dans le pied, cette chanson-là, les Femmes libérées? Bah c'est quand c'est un grand succès, de toute façon, je pense que c'est pareil. Pour toutes les histoires des grands succès que j'ai entendues, il y a une partie rigolote et une partie plus sombre, plus obscure, hein, plus difficile, parce que... aussi bien qu'en business qu'en tout, voilà, c'est quelque chose qu'il faut... on n'est pas toujours préparé. Donc voilà, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus. Non, c'était pas... Je pense que c'est quand même encore aujourd'hui... on est contente de l'avoir, oui, cette chanson. Et toi, en voyant ta mère écrire, ça t'a donné cette impulsion? Ah oui, moi j'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai toujours voulu chanter depuis que je suis toute petite. Je sais ce que je veux faire. As-tu une formation académique avec un instrument de musique ou au contraire? J'ai fait une école de musique ici à Montmartre. Oui. L'école Atlas. Oui. Et j'ai continué après. J'ai pris des cours de chant avec un ténor qui vient du classique et qui m'a appris la méthode un peu technique vocale, un peu classique, mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Le travail de la voix, mm-hmm. Créer l'instrument, tout ça. Poser la voix, poser... Le... L'ouvrir, voilà. Oui, ça, exactement. Et tes albums, parce que ce que j'ai vu, moi, c'était le deuxième? Non, c'est le premier. Ah, le premier, celui avec le parapluie? Ah non, ça c'est le deuxième qui va sortir voilà, maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, bon, c'est ça. Voilà, okay. Ah oui, ce que tu as vu, d'accord. Ah oui, moi j'écoute, je fais de la projection. Mais c'est ça, le premier album, qu'est-ce qui t'a amené à faire un disque? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des chansons sans faire un disque. Ah oui, j'en fais beaucoup sans mm-hmm. faire de disque. Ah oui, mm-hmm. j'en fais tous les jours des chansons. Donc, mm-hmm. Oui, là c'est le deuxième album, il était temps qu'on le fasse. Et, mais pour le premier? Qu'est-ce qui t'a amené à... C'est depuis, je te dis, j'ai toujours fait des chansons. Depuis, quand j'ai eu la guitare, ma guitare, j'ai eu à 15 ans. Et j'ai fait une chanson tout de suite avec les deux accords que j'avais. Donc c'était naturel. Thank you. ça sert le mojo. C'est monsieur Mathieu. Mathieu Gédid. Mathieu Gédid. Ça va, mon Mathieu? Toi, tu sais fait. Non, mais j'aime ça, ce gars-là. Pour deux raisons. Il a le rythme dans le sang. J'ai le rythme dans le sang. J'ai le sang. Il n'y a pas de sang. Effusion de sang. Ben, il a ça. Mais aussi, il possède l'intelligence de l'artiste. C'est un showman. Là, en disant showman, là, j'essaie de monter en... OK, on va laisser ça de même. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. On est de même, d'autres. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Hein? Soyons pas singuliers, là. Accueillons l'autre. Bock. Bock, Serenaire. Viens à côté de moi. Viens regarder les fruits qui volent dans mon verre. Qui se noient? Non, qui volent. Pour toi, ils se noient. On peut pas voler dans du liquide. Écoute, Charles, oncle Buck, dans ma tête, tout flotte. Tout flotte. OK. Excuse-moi. D'accord. Au revoir. À la prochaine. Alors, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles. Ouvrons-lui un petit compte de barre. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Alors, le titre de la première phrase, le titre, c'est Le meurtrier de Raymond Vasquez. On l'a pas retrouvé encore. Mais il y a trois policiers, deux majorettes et une escorte qu'ils cherchent. L'escorte parce que jeudi, hier, Vasquez s'en est payé une pour 3 heures. Il n'y avait pas les moyens financiers pour la payer. Puis lui, l'intelligent, parce que, hey, attention, c'est un gars qui a inventé, là, l'aiguille à 4 trous. Oui. Les ondes extra-longues. Les gens disent, oui, mais les ondes courtes. Mais lui, c'est les ondes extra-longues. Là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, écoute, ma chérie, elle était la plus belle du quartier, là. Qui était disponible uniquement pour une heure. Puis, uniquement pour une heure. Mais là, rendu chez lui, ben, il s'est dit, ben, OK, je vais annuler tous mes autres rendez-vous. Puis là, il y avait des artistes, des chanteurs. J'ai la liste ici, là. J'ai la nomenclature ici de tous les artistes. Je vais vous en balancer 3 ou 4. Ringo Bédard. Le grand chanteur Ringo Bédard, là, qui a popularisé, hein? Qui a popularisé La poire n'est pas un fruit. Chanson d'amour pour les femmes célibataires. Bon. Vrille. Oui, ça c'est incroyable. Vivre à n'en revivre. Hein, son grand titre, là. Vivre à n'en revivre, je ne peux pas ce soir. Ah, tu te souviens de ça? Non. Et puis, il fait noir encore ce soir. Juste des succès. Alors, Vasquez, amène les chaises. Mais, il a dit en blague, hein, à l'escorte, là, qui est étudiante en droit à Concordia. Pas n'importe où, là. Concordia, une université reconnue, pas comme à Québec, là. À Québec, c'est quoi? C'est l'université de quoi? De Saint-Albert. Ah oui, ça c'est bon. Mais la meilleure, c'est l'Université Laval. Oh là là là, que des vrais. Des vrais. Les étudiants sont des vrais. Calotte à l'envers. Les étudiantes qui se plient devant leur boulot, leur lecture, la compréhension du texte, pour devenir quand même des citoyens élitistes. Et voyez-vous, je me sens un peu comme un privilégié de la haute, puisque vous avez senti quand même une certaine bifurcation là, hein, dans le langage. Quand on parle quand même de complexité intellectuelle, on ne s'abandonne pas à des mots aussi primaires que « Ah ouais, c'est comme ça ». Non, non, on prend quand même une certaine volupté dans le discours et surtout dans la prononciation. Et puis, c'est ça. Pour venir à M. Vasquez, il a dit, on ne peut pas la nommer, hein, l'escorte, non. Il dit, je vais te payer en nature. De demander à dire un escorte, là. C'est quand même, il se dit un humoriste, là. Hey, à la plus belle fille de la ville, je vais te payer en nature. Lui qui est gras, inerte, sans relief. Puis là, il y a des phrases comme ça. Il dit, ah, écoute, je sais que je suis laid, moi. Mais la laideur a quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. C'est pas de moi. Au moins, il dit ses sources. Il dit, ça vient de Gainsbourg. Puis là, il balance un autre truc sur la beauté. Il dit, la beauté cachée des laids se voit sans délai. Bien, mais écoute, elle se rattache aux mots. C'est une débutante, là, en quoi? En voie de fait? C'est ça. En avocat, en avocus, en avocis, en avocus. Elle en avait assez. Ah, mon Dieu, elle ne voulait pas plaider avant le temps, là. Elle voyait qu'il y avait un trou noir, un subpena. Elle était peinée, elle pleurait tout le temps. Elle dit, voyons donc, tu ne me payeras pas. Ça vaut rien, ça, là. C'est du suranné, C'est du surrénal. Ah, surrénal. Ah, on n'achète pas ça. Puis la phrase de Bukowski, on la prend avec grande joie. C'est, ils ont tiré la sonnette, les deux frères. Bon, ce qui s'est passé, Mme Thibodeau, on va vous le raconter. Mais je suis trompé. Je devais lire la première phrase et j'ai lu le titre et j'ai fait une improvisation sur le titre. J'ai dit une improvisation sur le titre. Vous comprenez rien, vous là? Une improvisation sur le titre. Bon. Je me voyais déjà en haut de le titre. Oui, le titre. En haut de le titre. Avant de le tirer, oui. Je me voyais déjà, avant de le tirer, ce beau titre-là qui rayonnait déjà au bout de la piste. Mais j'ai fait cette erreur-là en lisant le titre, en improvisant là-dessus et en vous lisant la première phrase. Et comme me mentionnait à l'oreille mon ami, moi, j'ai tombé 3 fois. 3 fois. 1, 2, 3. They call me a little wonder, but ça. Alors, je sais pas en fait, je sais pas parce que la première fois j'ai fait une chanson, j'avais 4 ans et je 4 ans. Oui, non, je chantais comme ça dans le micro pour rigoler. Et j'inventais des chansons comme ça. Donc, je sais pas déjà. Improviser. Et la chanson que j'ai, enfin, dont j'ai l'enregistrement, okay. Ça s'appelle Je n'ai pas su les mots que tu voulais. Ah, c'est bon, c'est bien. Donc, tu vois, à 4 ans, déjà, je sais pas de quoi ça parlait vraiment, mais en tout cas, voilà. C'était surréaliste. Mais c'était déjà. Je crois que c'était déjà. C'était lancé. Romantique, voilà. Ouais. Mais. Tu me dis, j'étais devant un micro. Chez toi, il y avait un studio maison? Non, il y avait un enregistreur cassette. Ah tu oui? Sais que... Oh, chez moi, un 4-track. On appelle ça un 4-piste. Ah non, c'était une piste. C'était un Philips, tu sais, un magnétophone Philips. Ah oui, bouton rouge, voilà, et play. C'est ça. C'est OK, ça. Oui. Et là, tu peux continuer, puis tu sais pas que la cassette est terminée. Oui, parce oui. Que, oh, il y a, oui. Non, non, il y a un petit truc qui tourne, tu sais, avec les zéros. Oui, ouais, oui mais si tu ne regardes pas, ah, oui, oui. Ça ne lève pas, donc tu ne peux pas savoir que c'est terminé. Ah, moi, j'étais enfant, donc ça bougeait, ah, j'étais contente. Ah oui, ben oui. Alors, tu as retrouvé des vieilles cassettes. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de... Ben, c'est drôle de s'entendre à 4 ans dire qu'on veut être chanteuse. Voilà, c'est drôle. Alors, tu as fait tu t'es toi-même mis en scène comme étant une artiste et tu ouais. Répondais, OK. Ouais. Et tu chantais tes chansons. Voilà. Qui n'étaient pas encore écrites. Non, c'est ça. Est-ce que c'est le... Alors, déjà là, c'était le mot qui amenait les idées, parce que tu étais tout petite, donc tu lançais, c'était surréaliste, c'était... Le oui, c'était vraiment, c'était instinctif, parce que je pense que je voyais ma mère en faire à côté de moi, donc je copiais un peu de ça. Voilà, il y avait des rimes dans cette chanson, oui. Même si c'était des rimes improbables, oui, c'était très surprenant. Voilà, mais en tout cas, oui, non, je crois que c'était par mimétisme aussi, oui, c'est sûr. Est-ce que dans le premier album, il y a des choses que tu voulais dénoncer ou au contraire, tu voulais simplement divertir et tu n'avais pas vraiment de but politique ou, Ah non, non, non. J'ai pas vraiment de but politique. Maintenant, c'est un petit peu, ça vient, mais dans le premier album, non, c'était vraiment mes chansons, moi. Une chanson. Privé pour... sur le moi, sur oui. Mon œuvre. Oui, c'est ça. C'est ma vie, mes histoires. Et quand tu réécoutes ou quand tu relis tes textes, est-ce que le deuxième album s'inspire du premier ou... Parce que là, il n'est pas encore sorti, là. Non, il ne s'inspire pas du tout du premier. Pas du tout, du tout. C'est vraiment différent, aussi bien dans la manière de le faire, de le fabriquer, de le réaliser, de tout faire. Le premier, on l'a un peu fait à l'envers. On a autoproduit. On a autoproduit, puis on a couru en studio parce qu'on avait une tournée avec Nicolas Canteloup, un imitateur français. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et on devait faire la première partie de sa tournée et on n'avait pas de CD à vendre. On s'est dit, c'est trop bête, il faut. Et donc, ouais, en fait, on est couru en studio, on a enregistré très vite. C'est une carte aussi, c'est une carte de présentation. C'est oui, des, c'est ça. Alors, donc, après un spectacle, si tu veux que la magie s'opère en dehors du concert, puis surtout être connu et reconnu par. Par des gens qui t'ont vu et apprécié. Écoute, je suis allé voir Elsa, c'est merveilleux. Oui, c'est ça, voilà. C'est... Donc, c'était pour ça qu'on l'a fait. Et ensuite, on a trouvé un label et ensuite, on a rajouté des choses. Donc, ça s'est un peu fait à l'envers. Oh, OK. Voilà. Il a, dans tous les sens, hein, il s'est vraiment fait à l'envers, ce disque. Mais voilà, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a quand même un sens? Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce qu'il y a un son? Ce premier album-là? Oui, ou... okay. Oui, oui. Bah, oui, acoustique. On l'a appelé... on l'a appelé... à cause du son, hein, Acoustic Joys, voilà, c'était parce que ça nous plaisait, donc il a eu son nom après avoir été enregistré. Voilà. Et qu'est-ce que tu... mais qu'est-ce qui te plaît dans la chanson? Est-ce que c'est le côté musical ou le côté littéraire? Qu'est-ce que... Attends, je... Ben non, les deux, je pense. Les deux, c'est pas... Alors, tu as la mélodie, tu greffes des textes ou tu as les textes et tu greffes la mélodie? Je sais pas. Ça dépend des chansons, ça dépend de... Il n'y a pas de recette pour faire une chanson, donc... Et qu'est-ce qui t'inspire dans... Bah, tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, j'ai envie de dire des choses belles, de parler de choses qui me touchent. Voilà. Mais qu'est-ce qui est beau pour toi? Qu'est-ce qui est beau? Ben tout. Tout est beau. Okay. Ça dépend du regard, ça dépend de la personne. Oui, voilà, ça dépend dans quel jour on est. Il y a plein de facteurs qui font qu'on trouve quelque chose de bien ou pas bien. Ou... Et suite à ton premier album, as-tu pris la même équipe pour refaire? Non, pas du tout. Non, non, on n'a pas pris la même équipe. Pardon, je te coupe parce non, que je comprends là. Non, ok, vas-y, oui. On l'a fait par hasard aussi, par surprise, avec Pierre Fa. On a fait une chanson qui s'appelle Les enfants insolents. Il a fait le texte et moi la musique. C'est que Pierre, je l'ai rencontré. Oui. Oui. Ah, avec, oui. Oui, avec Marie-Claire. Ah, ben voilà. C'est Marie-Claire qui m'a présenté. Ah, d'accord. Donc, j'ai dit que j'allais te rencontrer. Ah, oui, oui, oui. Le monde est petit parce ben, que oui. En arrivant, c'est toi que j'ai rencontré. Et en terminant, c'est toi que je rencontre. Ah, ben oui. Voilà. Ah, ben voilà. Et Pierre, ouais, comment tu as travaillé avec Pierre? Ben, c'est donc par hasard. En fait, on a fait cette chanson et elle nous plaisait tellement qu'on s'est dit on va en faire 5 et on va faire un EP. Et puis quand on a fait les 5, on a dit on en rajoute 5 et on fait un album. Voilà. Okay. On était tellement enthousiastes. Mais est-ce que c'est toi qui l'as connu ou si c'est lui qui t'a approché? On s'est rencontrés plusieurs fois en fait. Déjà il y a très longtemps, quelqu'un m'avait dit il faut que tu rencontres Pierre Fa. Il y a quelqu'un d'assez... Voilà, qui nous connaissait, qui nous a dit qu'il fallait qu'on se rencontre. On s'est rencontrés, puis je suis partie vivre en Espagne, donc on s'est perdu de vue. Et puis, on s'est retrouvés sur MySpace avec des noms de... Moi, je m'appelais Za et lui, il s'appelait Pepper Moon. Donc, on s'est retrouvés sans se connaître, sans savoir qu'on se connaissait déjà. Et on s'est retrouvés musicalement en tant que musicien. Donc, c'est drôle. On s'écrivait et tout ça. Donc, voilà. Et donc, ça s'est très bien passé. Vous sentez, lorsque vous êtes ensemble, l'osmose musicale? Ah oui. L'osmose... L'osmose tout court, on rit beaucoup ensemble. On est très, très complices. Vraiment, c'est... On s'entend très bien. Et comment ça se passe, une création musicale entre vous deux? Parce que c'est entre vous, entre Pierre et toi. Oui. Comment ça se passe? Eh bien, ça dépend quelle chanson. Si c'est une chanson qu'on si fait ensemble, rencontre... ben, souvent Pierre me donne des textes. Okay. Je lui demande des textes et j'essaye de faire pas, des toi? Musiques. Si, j'écris. Okay. Mais simplement, voilà, comme ça, on se relance et j'aime bien comment il écrit en français. Donc voilà, c'est un beau... une belle collaboration. Et toi, quand tu proposes des écrits, c'est lui chez lui qui va coller une mélodie? Disons que moi, les mélodies, en général, quand j'ai un texte, j'ai déjà la mélodie aussi. Voilà, donc en général, c'est plutôt lui qui me donne des textes. Voilà. Et lorsque vous vous rencontrez pour discuter ou pour proposer peut-être l'osmose entre les deux, est-ce qu'il y a des modifications si vous êtes toujours sur le même fil conducteur, le même lien? Ah non, on peut tout modifier. Non. Il y a beaucoup de discussions? Oui, oui, oui. OK. Oui, enfin, en général, j'essaye de pas trop... de pas trop... mais s'il y a des choses que je peux pas chanter, je le dis ça, c'est clair. Ouais, parce que t'as vraiment... Que je puisse chanter vraiment toutes les... Chaque phrase est importante et il faut que je puisse la ressentir vraiment, sinon c'est... Donc, si ça rentre dans ta tonalité, c'est ce que tu veux dire. Si c'est pas dans ta tonalité, tu refuses. Dans ma tonalité, tu veux dire musique... Enfin, oui, dans ma... oui. Ah oui, non, mais tu veux dire la tonalité du morceau? Oui, non, on choisit une tonalité où je peux chanter, oui. OK. Et Pierre et toi, dans le deuxième album, c'est vraiment les deux pierres angulaires de l'œuvre, c'est ça? Oui. They keep coming, we keep yelling, we don't want it, almost

les yeux brillants comme sa trompette et du soleil plein la tête. Il était inconnu, un de moins, un de plus, et le spectacle continue. Exceptionnellement, ben feront deux, trois pirouettes de plus pour le remplacer. Le tour est joué. La roulotte funèbre, une seule gerbe, on s'est cotisé au village d'un jour. L'a enterré, le tour est joué. Et le spectacle continue. Roger Dupont est mort. Il était inconnu, un de moins, un de plus. Et le spectacle continue. Ses collègues du bureau, exceptionnellement, rempliront deux, trois fiches de plus pour le remplacer. Le tour est joué. Le sous-directeur, les délégués, le cimetière, le coup de l'étrier, au petit café, le tour est joué. Et le spectacle continue. Un grand artiste est mort. Il était très connu. Un de moins, un de plus. Et le spectacle continue. Ses amis du spectacle, exceptionnellement, des lunettes noires, deux, trois flashs de plus, une bonne télé, le tour est joué. Tous les projecteurs se sont éteints, l'obscurité sur lui retombée pour l'éternité. Le tour est joué. Mmh. est très présent parce que bah, c'est lui qui a enregistré aussi. Donc, ouais. Il a fait tout le travail, il a fait beaucoup de travail de, derrière l'ordinateur. De production, oui. Voilà. Mmh. Donc, c'est un sacré boulot. Donc, ouais, c'est vraiment. Les chansons sont de moi, la plupart. Il a fait quelques textes. Et après, le reste, c'est lui. Il a mis beaucoup de couleurs. Voilà. Il a réalisé aussi. Il a peaufiné. Voilà. Et lorsque tu écoutes l'album, qui n'est pas encore sorti, là. Il sort le 27 août, oui. OK. Et lorsque tu écoutes l'album, en es-tu fière? Ah oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Non, non, je suis contente. Je suis contente du résultat et je pense qu'on va continuer. Il y en aura d'autres qui vont venir. Et suite, OK, le deuxième est déjà terminé. Que vous pensez au troisième? Ah oui, oui. Mais vous n'êtes pas dans la hiérarchie de un album, une tournée, un album, une tournée? Ben en fait, là, on va voir ce qui se passe, tu vois. On va voir comment travaille l'attaché de presse et tout ça. Aujourd'hui, tu sais, c'est un peu difficile avec ouais. La situation et tout ça, donc on va voir. On a déjà pas mal de dates sur Paris, là en à septembre. La rentrée. Voilà. Okay. On va faire un peu des petits endroits sympas qu'on aime bien. Avec Pierre, toujours Pierre. Enfin, oui, si il veut. Moi je suis. Voilà. Parce que lui, il est partout, là, donc ça doit être compliqué à un moment donné de rassembler. Les deux personnes, parce qu'il est dans un groupe, il travaille, il fait cavalier seul, il travaille oui. avec toi, il est partout, ce gars-là. Oui, c'est non, mais c'est incroyable. Oh, des fois, une énergie. Il voyage aussi, là. Oui, il est tout le temps quatre coins du monde. Ben oui, ben oui. Il est très cultivé, enfin voilà, c'est un bonheur. Un bonheur. Et donc, à venir, c'est des concerts. Et comment tu abordes ça, la scène? Est-ce que tu travailles la mise en scène ou tu te places devant un micro et... Moi j'aime travailler. Je pense plus ça va, plus il faut travailler son instrument et travailler l'interprétation, la voix, la mise en scène. Oui, j'adore la mise en scène, mais j'en mets pas trop non plus. J'essaye de faire un peu sobre. Voilà, je suis pas très Lady Gaga. ok, ouais. Tu restes plus singulière dans ton interprétation, plus. C'est moins chaud. Mais moins chaud. Tu veux révéler davantage les textes. Oui, voilà. Je pense que si je suis. Tu essaies de trucs. Mais, j'essaie de créer un contact avec le public quand même. Hein. Disons que. Pour être bien tranquille sur scène, pour ne pas être stressée, je prépare toujours des petites phrases que je peux sortir. Préparer. Pas préfabriquer, non. Ah, j'allais mais des choses, des choses polies. Bonjour, je m'appelle Elsa, voilà, je ne sais pas, ou des choses, voilà, un peu de présentation, un peu organisée pour ne pas être en. Enchaîner chanson sur chanson. Oui, de cafouiller des bêtises. J'aime pas les artistes qui cafouillent des bêtises okay. entre les chansons. Ok. Donc j'essaye de préparer quand même pour être tranquille. Voilà. Mais sur le deuxième album, est-ce qu'il y a un fil conducteur d'une chanson à l'autre? Saviez-vous à l'origine quelle pièce allait se placer sur le disque? Oh oui, parce qu'on fait beaucoup de chansons, donc on n'a pas mis toutes les chansons qu'on a fait dans et cet album. Et ça sera pour le troisième, c'est ça? Oui, ou le quatrième. On met les chansons en fonction de où elles peuvent aller. Se placer, voilà. s'intercaler. C'est ça. Et c'est l'histoire que tu voulais raconter sur cet album-là? Quelle était? Il parle de beaucoup de choses, cet album, hein, mais... Le titre, en tout cas, Marvelously Dangerous, c'est tout simplement pour dire que... Pourquoi en anglais? Parce que la chanson, cette chanson-là, elle est en anglais. Donc du coup, c'était comme ça, voilà. Ça s'est imposé à moi. Je ne mets pas du tout de contraintes entre le français et l'anglais ou l'espagnol. Si une chanson vient, elle vient. Si c'est en allemand, elle c'est en allemand. Et si c'est en français, voilà. Et sur l'album, c'est divisé en trois langues ou s'il y a plus de français ou... Oui, il y a plus de il y a plus d'anglais, il y a du français ensuite et il y a de l'espagnol. Il y a deux chansons en espagnol. Et quel est le message? Tu me dis ça s'en va dans beaucoup de directions. Disons que c'est toujours un peu la même histoire. Ça parle d'amour et de vécu ou des sublimés. Tout. En musique, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'être... on peut inventer, en même temps, on peut mettre des messages personnels, on peut glisser des choses, voilà. Donc voilà, ça parle de... Ben, il faut écouter-le, vous verrez. Okay. Mais tu as la difficulté un peu à parler du disque, c'est sans doute parce qu'il est trop frais, trop ancré dans la réalité. Non, c'est juste que... Il y a plein de chansons. Hein. Alors, c'est difficile, je peux pas te dire qu'elles peuvent pas. Je peux pas vraiment les regrouper toutes. Si je devais les regrouper dans un truc, c'est simplement peut-être. c'est moi le fil conducteur, voilà. Est-ce que sur scène, tu mélanges danse, art de scène ou... Non, pas du tout. Okay, non, mais j'aimerais bien. Okay. J'aimerais bien être une bonne danseuse et j'y travaille pour être plus gracieuse. pour avoir l'air beaucoup plus spontanée. Non, mais en fait, je pensais pas que le travail sur le corps était aussi important. En chant, je savais que c'était important, mais pour le reste et tout ça, pour donc là, je le découvre avec bonheur et donc voilà. Dans cet album-là, tu t'es inspirée de quel style musical? On s'est inspiré de on a donné une couleur, on voulait rester, les chansons sont assez folk, mais on voulait lui donner un petit peu d'électro. Donc en fait c'est Folktronica, donc on peut citer des groupes comme Taken by Trees, Au revoir Simone, en termes de couleurs musicales, voilà, c'est des choses comme ça qui me plaisent, voilà. Est-ce que, parce que là, l'album sortira dans quelques temps, est-ce que tu vis un stress ou là, ça t'appartient plus? Pas du tout, non. Ça t'appartient plus? Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout dans le stress. Ben non, ça m'appartient. Non, c'est après le studio qu'en général, ça m'appartient plus. Ça, c'est pas maintenant. Non, pas du tout. Non, c'est je suis très contente. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de faire de la musique, alors voilà. Et comment ça va se passer après l'album et après les petits spectacles? Eh bien, écoute, moi, j'aimerais bien faire le prochain album. J'aimerais bien essayer d'un album de reprise, toute seule au piano. Voilà, je t'en parle comme ça, mais je ne sais pas... De quoi? De chansons françaises? De chansons? De tout. Okay. De tout. De toutes les chansons que j'aime, vraiment. Lesquelles? Ça peut être... En fait, si tu veux, ça peut être n'importe quoi qui m'inspire. Je peux prendre une chanson qui a été visitée et revisitée et en faire quelque chose de nouveau et en être content. Moi, j'écoute, j'écoute beaucoup de choses, beaucoup de musique. J'ai pas de... Alors, en ce moment, disons que dans mes inconditionnels, dans mon bonheur, j'ai le jazz. Hein, il y a Blossom Derry, Chet Baker, il y a la folk, il y a Joni Mitchell, Ricky Lee Jones. J'écoute la musique traditionnelle, j'écoute de la... Folklorique. J'écoute de la musique sud-américaine, française, tout. Enfin, j'ai vraiment pas de frontières... Est-ce que tu te considères comme une artiste féministe? Oh, j'ai l'impression que plus ça va, plus oui. Ah oui? Dans quel sens? Tu veux faire la promotion de la... Non, c'est juste que je trouve que plus je vois le monde, plus j'évolue, plus je vois que tout n'est pas acquis pour les femmes et que c'est difficile encore aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point, bon, déjà j'ai eu la chance... d'avoir une belle éducation comme ça, et je pense qu'il faut donner cette chance à tout le monde, et je trouve qu'on manque parfois un peu de bienveillance les unes envers les autres, et puis je trouve que voilà, c'est des belles valeurs. Ça, c'est grâce à tes parents qui t'es ont inculqué ces valeurs, les belles valeurs. Oui, c'est la vie aussi. Mais oui, mes parents surtout. Oui, papa, maman, bravo. Est-ce que tu t'exprimes uniquement à travers la musique ou si tu as d'autres moyens, l'art plastique, l'art? Oui. De rappeler Sœur Marie. La petite sœur du Carmel part en voyage vers le ciel. Rappeler une sœur

un printemps formidable. Dites, dites bien bonjour, monsieur le printemps. C'est la saison des amours et je suis content. Dip, dip, entrez donc, entrez réchauffé. Mes mains et ma tête et mon petit cœur gelé. Dip, dip, et voilà, c'est le vrai printemps. Et monsieur Winter s'en va se foutre de camp. Oh, hey, monsieur Winter, monsieur Winter, monsieur Winter, go home. The screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Baby, can I hold you tonight? Baby, if Je dis oui en sursautant parce que j'ai passé une semaine à faire de la peinture. Alors. Ok. J'adore. Et les pochettes, est-ce qu'elles sont aussi révélées par ton plaisir de créer en plastique? Ah oui, la pochette, je m'implique beaucoup. C'est mon idée. Enfin, toutes les idées sont. Voilà. Et le concept du parapluie, comment vous en êtes arrivé à ça? Eh bien, tout simplement, j'étais en vacances. Cet hiver à Tenerife, et il y avait un magasin chinois avec des parapluies chinois qui n'étaient pas chers, et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ces parapluies. Il y avait toutes ces couleurs comme ça, et donc voilà, je l'ai. Et qui a pris les photos? C'était mon ami. Ok. Voilà. Et c'est avec un numérique, tout simplement? C'est avec un iPad. Ah, ok. Ah, c'est vraiment voilà. Très, très basique. Là. Oui, oui. Et qu'est-ce que. Essayes-tu de joindre un peu les mêmes messages en art plastique qu'en art musical? Je sais pas, j'essaye de montrer ce que je trouve beau. Je pense que c'est ça. De montrer ce que je trouve beau et de. ou juste, je sais pas, voilà. Juste, non, qu'est-ce que tu veux dire par juste? Bah, par exemple, tu peux faire une chanson où tu recherches pas forcément la beauté, si tu es triste ou quelque chose, mais où tu essayes d'être juste. Quelque chose que j'ai envie de dire, quelque chose qui m'aide à trouver ma vérité. Est-ce que tu te sens plus à l'aise avec l'art plastique ou l'art musical? C'est, en fait, je me rends compte que c'est complémentaire un peu. J'avais vu une interview de Joni Mitchell, qui est peintre aussi et chanteuse, et elle disait que le fait d'aller à la peinture et de retourner au chant ensuite, ça lui faisait un bon balancement et une bonne séquence de création. De jachère, en fait, entre les deux à chaque fois. Et je comprends ce qu'elle veut dire parce que c'est très différent et c'est très apaisant de faire de la peinture ou de dessiner. C'est très calme alors que... enfin voilà, la musique c'est différent. L'art plastique, tu as quand même une formation aussi? Non, pas du tout, c'est autodidacte. Ok. Ouais. Et c'est par qui? As-tu une initiative? C'est par l'école. À l'école, j'avais il y avait des ateliers d'art plastique et j'ai adoré ça vraiment tout de suite. Ça, c'est au niveau universitaire ou Non, à l'école, au collège, il y avait ça. Et puis, j'ai demandé des peintres. En fait, oui, à 15 ans, je voulais devenir peintre à la base. Donc, je voulais être chanteuse et puis ensuite, j'ai eu ce truc de la peinture et puis ensuite, je suis revenue à la musique quand même. Donc voilà, c'est quand même été décidé. En fait, ton parcours est souvent tributaire de ce que tu te voyais faire enfant. Et t'as pas dérogé de ça. L'enfance t'a amené à ce que t'es maintenant. Ah oui, j'ai pas beaucoup changé. Alors tes rêves ont resté les mêmes. Oui. Est-ce que tu vois avec la fille que t'étais enfant et aujourd'hui la femme que tu es une progression ou au contraire une surenchère de ce que tu veux faire? Ben, c'est les deux en même temps. Hein. On peut être en progrès et en surenchère de ce qu'on fait. Donc non, c'est vraiment la suite logique de la petite fille que j'étais. Ouais. Et en art plastique, est-ce que tu prépares des expositions? Y a-t-il quelque chose qui... Non, je m'en sers en fait pour mes clips, pour faire des images. J'essaye d'utiliser ce que je fais. Pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas d'autre plaisir que le plaisir de faire et d'ensuite utiliser. Voilà. Et comment ça se passe? C'est bien beau écrire, c'est bien beau faire des disques, des peintures, mais comment tu peux arriver à en vivre et à... Je fais un peu des concerts quand même à droite à gauche et puis je donne des cours, voilà. Des cours de quoi? De guitare, de chant, voilà. OK. Mais là, tu as vraiment étudié la guitare classique ou d'une manière classique? Ah non, moi j'apprends la guitare pour jouer à la plage. OK. Pour jouer, pas la guitare classique. Est-ce que tu peux lire la musique? Comment? Est-ce que tu peux lire les partitions? Oui, mais je pratique pas assez. C'est un sport, il faut en faire beaucoup. Donc, je sais le faire laborieusement et ça m'ennuie un peu. Moi, je travaille beaucoup à l'oreille, donc voilà. Mais comment tu peux enseigner si tu... Tu sais, en guitare, il y a la tablature qu'on dit internationale, donc les accords, tout ça. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux gens à jouer les morceaux qu'ils aiment vite fait. C'est un peu... D'apprendre le squelette, les bases, pour qu'ensuite les gens puissent prendre du plaisir rapidement à jouer. Autour d'un feu. Autour d'un feu. Oui, c'est bien. Si tu étais... J'ai 10 questions. On est presque autour d'un feu, là. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, ben alors là, tu m'en poses une bonne. Alors, si j'étais un liquide... On va voir si c'est similaire à Pierre. Ah non, ce ne sera pas Pierre avec Pierre. Ce sera du thé. Oui, exactement, c'est vrai. Oui, moi, ce serait plutôt du maté. C'est-à-dire? C'est la boisson traditionnelle argentine. Et c'est une... j'aime beaucoup. Et voilà. C'est quoi? C'est composé de quoi? Eh bien, c'est de la yerba, de l'herbe matée, à maté, qui est dans une calebasse, comme ça, avec une petite pipe en métal. Et tu bois ça, c'est énergisant, diurétique. Est-ce qu'on en trouve ici? Ici, par Internet, oui. C'est un peu compliqué à trouver. Ici, sur le terrasse, non? Non. Okay. Ah non. Si tu étais une ville... Ah, alors ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de choisir dans toutes les villes. Ça serait sûrement, j'imagine, Paris et Montmartre. Ici? Oui, ici. On est dedans. Et voilà. On est dedans. Si tu étais une langue? L'alsacien. L'alsacien? Un dialecte? Oui. Si tu étais une époque? Maintenant. tu es dans l'instant présent. Oui, il faut. Si tu étais un mot. Un mot. Un seul. Encore une fois, avec un seul, c'est difficile ce surprise. Ouais. On diminue, on ramène. Bah, tu vois, c'est pour ça que je me fais pas de tatouage, parce que j'ai peur de changer de, okay. de mot. Et surtout à 90 ans, de quoi avoir là ce tatouage? Ça peut être une icône aussi, une image. Alors, bon, olé, voilà. Olé. Alors, ton petit côté taureau. Voilà. Si tu étais un aliment, aimes-tu le rouge? Ton petit côté taureau. Un animal va valoir un taureau. Non, un aliment. Un aliment? Un aliment. Un aliment. Ah, ben des pâtes. Ah ben là, tout de suite, sans hésiter. Là, tu vois, je n'hésite pas. Ah, t'adores les pâtes. Ah oui. Si tu étais une saison. Oh, le printemps. Pour la renaissance. Oui. Après un long passage hivernal. Voilà, le plaisir des fleurs. Et des sens aussi, l'été, c'est ça. Le printemps, c'est ça. Si tu étais un membre corporel. Une corde vocale. Une corde, juste une corde vocale. À qui? À Janis Joplin ou à Alissa? Non, je ne sais pas. En fait, non, un organe. Si j'étais un organe. Oui, ok, oui. Moi, j'ai dit un membre, là, mais ça peut être organe aussi. Non, mais oui, non, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais ça. Une corde vocale. Okay. Peut-être celle de Tom Waits. Elle doit vibrer. Non, celle de. Je préfère celle de Blossom Derry. Ok. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Le matin. 9h du matin. Et t'es levée à 7h là. Oui. Tu te couches très tôt. Je me couche. Disons que ça dépend où je suis, encore une fois. Là, à Paris, je me couche un peu tard et je me lève tôt. Ah, tu dors très peu. Ouais. Bon. Si tu étais un autre individu. Si j'étais quelqu'un d'autre. Oh, juste pour le plaisir de chanter comme elle, Blossom Derry. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oh oui. Oui. Avec la même façon de faire, la même. Si je pouvais me prévenir de 2-3 choses, je me préviendrais. C'est au niveau amoureux ou au niveau professionnel? Professionnel. Ok. Juste 2-3 petits trucs comme ça, mais bon, ça c'est rigolo comme ça. Non, mais je referais, je serais, bah oui. Et comment tu te projettes comment d'ici quelques années? Ah ben j'aimerais bien continuer à faire de la musique, de vivre de ça, vraiment. Et t'arrives-tu quand même facilement à en vivre ou si c'est difficile ces temps-ci? Non, j'arrive à en vivre, mais c'est assez précaire quand même. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais du coup on profite vraiment. À 100 000 à l'heure. Voilà. Toi, t'es dans le présent, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, t'es vraiment là, ici, maintenant. C'est important. Très important. Puis on va attendre ton album à venir. Oui, avec plaisir. Et c'est à se souhaiter aussi un spectacle à Québec, au Québec. Oh, ben avec plaisir. Alors, avec plaisir. Je viens quand vous voulez. On est très ouverts. Donc, on se souhaite plein de magie. Ben merci. Ben pareillement. Ben merci à ça. Merci. Salut, bye. Ciao, ciao. Je te tends des petits miroirs faits de mots, faits de mon histoire. Et le temps paraît court. Quelquefois on dirait de l'amour. C'est pratique les petits miroirs sous les verres, dans les pianos bars. Un peu tout ce qui brille. Est-ce que tu peux les traverser et venir voir de mon côté, venir voir si tu m'aimes ou toi-même. On les veut, les petits miroirs, ressemblants, mais faut-il y croire? Tu reflètes. Est-ce que tu peux les traverser et venir?